Chapitre 33e, une rencontre imprévue. On se rappelle que Mademoiselle de Pardaillan et Mademoiselle de Souvigny, attachées à la personne de Sa Majesté la Reine Éléonore par le roi Gustave Adolphe, se rendaient à la cour de Berlin en même temps que l'armée suédoise débarquait sur les côtes de la Poméranie. Monsieur de Pardaillan, qui cédait malgré ses fatigues au désir de faire campagne, les avait confiés à un vieil écuyer qui avait blanchi au service de la maison. Une douzaine de serviteurs armés accompagnaient les deux cousines. Telle était la confiance qu'inspirait Gustave Adolphe à quiconque avait vécu à la cour de Suède, que les deux jeunes filles pensaient au fait qui les attendait à Berlin plus qu'aux batailles que devait livrer l'armée. Il ne leur venait même pas à l'esprit qu'on pût résister aux vainqueurs du roi de Pologne. N'arrivait-il pas en Allemagne bien plus en libérateur qu'en conquérant? N'avait-il pas pour lui l'électeur de Saxe, Jean-Georges, celui de la Hesse, l'électeur palatin, le duc de Mecklembourg et tant d'autres princes protestants foulés par la maison d'Autriche? Et avec ces princes, sans ville importante et des peuples qui n'attendaient qu'une occasion pour s'affranchir du joug impérial, c'était une marche triomphale que commandait le roi de Suède et non pas une campagne. Quelquefois, cependant, le souvenir de Jean de Werth faisait passer un nuage sur le front d'Adrienne. Elle le savait, un vaillant homme de guerre. Ce souvenir avait réveillé celui du comte de Pappenheim, comme le son d'un écho réveille un écho. Le comte et le baron étaient tous deux en Allemagne, et ces lieutenants terribles des armes impériales avaient pour chef Tilly et Wallenstein, que personne encore n'avait battu. Il y avait bien de quoi frissonner un peu, mais la juvénile audace de Mademoiselle de Pardaillan dissipait bientôt les inquiétudes d'Adrienne, et les deux cousines poursuivaient leur route gaiement à petite journée. Un soir, à l'heure où la troupe joyeuse cherchait un gîte dans un gros bourg, un écuyer s'approcha poliment de Diane et lui demanda si par hasard elle n'était pas Mademoiselle de Pardaillan. Sur sa réponse affirmative, il montra une grande joie. « Voilà 5 ou 6 jours que je vous cherche, madame. Ma maîtresse, qui a eu l'honneur de vous connaître à la cour de Stockholm, m'a donné l'ordre de vous conduire à son château, ainsi que Mademoiselle de Souvigny. » On voyait le château derrière un rideau d'arbres, sur le penchant d'un coteau. Il avait l'apparence honnête, point de donjon, point de mâchicoulis. Mais le nom de cette personne, quelle amabilité de se souvenir de moi, dit Mademoiselle de Pardaillan. Ma maîtresse ne veut point se nommer avant de vous avoir ouvert ses bras, répondit l'écuyer. Eh bien, allons nous faire embrasser, s'écria Diane. Adrienne voulut la retenir. Que savait-on de cette personne mystérieuse qui ne voulait point se nommer? La prudence permettait-elle de lui rendre visite? On était en Allemagne, et c'était le pays de Jean de Werth. « Ah, tu vois Jean de Werth partout, » dit Diane. « Certes, j'ai failli devenir sa femme. »« Eh bien, puisque te vois la fiancée, monsieur le comte de la Guerche, aie donc plus de courage. » Et poussant son cheval, Diane suivit l'écuyer. Comme elle mettait pied à terre, ainsi qu'Adrienne, à la porte du château, une femme parut et lui sauta au cou. « Ingrate, vous ne m'aviez point reconnue, » dit la baronne d'Igomère. Adrienne eut un léger frisson, mais presque aussitôt la blonde Thécla lui tendit la main. « Et vous, » dit-elle, « ne m'embrassez-vous pas ?» Ses yeux avaient la couleur du ciel. Un bon sourire entr'ouvrait ses lèvres roses. « Dieu, que je suis heureuse de vous revoir, » reprit-elle, et des larmes parurent dans ses yeux. « Voici le seul moment heureux que j'ai goûté depuis longtemps. Ah, la Suède me portait bonheur. Le bonheur, hélas, je n'y crois plus. Et cependant, je l'ai connu à Saint-Vast. » Diane et Adrienne avaient suivi la baronne dans une magnifique pièce où resplendissaient les feux de 100 bougies. « Je veux que vous emportiez un bon souvenir de ma bicoque, » dit-elle en passant ses deux bras sous la taille de ses compagnes et en les attirant auprès d'une table servie avec recherche. « Ce n'est pas ici l'hospitalité de monsieur de Pardaillan, mais une pauvre recluse fait ce qu'elle peut. » La recluse avait 10 laquais pour la servir et mangeait dans de la vaisselle plate. Les larmes, dont on voyait la trace humide sur ses joues, la rendaient plus charmante. Diane, déjà séduite, et Adrienne, bientôt attendrie, lui demandèrent la cause de cette solitude où elle s'était condamnée. Pourquoi, tout d'un coup, ne l'avait-on plus vue? Pourquoi, après avoir quitté Saint-Vast, avait-elle abandonné la Suède? Pourquoi ne savait-on rien de ses chagrins? Quel malheur subit l'avait donc frappée? Madame Digomère leur prit la main tendrement à toutes les deux. « C'est au cœur que j'étais frappée, dit-elle. Je me croyais aimée comme j'aimais moi-même. Une heure a suffi pour me faire connaître tout ce que le désespoir a de plus affreux. Un jour, je vous dirai tout, mais la blessure saigne encore. Épargnez-moi. J'ai voulu renoncer au monde, m'ensevelir vivante dans un tombeau. Un oncle vieux et infirme m'a appelé auprès de lui. Il souffrait, je pleurais. Et c'est encore lui qui m'a donné le courage de vivre. Ma présence semblait le consoler. Mais laissons là ces douloureux souvenirs. Parlez-moi de vous, de vos projets. Un hasard m'a appris que vous deviez passer dans mon voisinage. Où allez-vous? Mais si loin que vous alliez, vous m'appartenez. Vous me donnerez bien, n'est-ce pas, quelques jours? » Tout cela fut dit d'un air câlin, avec mille inflexions de voix caressantes, un sourire baigné de larmes, et des regards noyés qui donnaient aux yeux de Thécla une séduction plus touchante. On aurait dit des pervenches lumineuses. Si Adrienne avait pu conserver quelques soupçons, la franchise de cet aveu et cette mélancolie l'auraient entièrement dissipée. « Nous allons à Berlin, » répondit Diane. « Et quoi faire à Berlin ? » ?»« Rejoindre la reine qui est auprès de l'électeur son père. » Madame Digomère joignit les mains. Et c'est à Berlin qu'on vous envoie pour rejoindre la princesse Éléonore. Mais voilà 15 jours qu'elle n'y est plus. 15 jours ? S'écrièrent à la fois Adrienne et Mademoiselle de Pardaillan. Peut-être 20. Comment se fait-il qu'on ne vous ait point informé ? L'électeur a craint que le théâtre de la guerre ne fût transporté dans la marge de Brandebourg, et pour éviter à sa fille bien-aimée les horreurs de ce spectacle, il l'a éloignée de sa cour. Adrienne et Diane se regardèrent. « Voilà une nouvelle fâcheuse, » dit Mademoiselle de Souvigny. « Savez-vous tout au moins, madame, vers quelle ville la princesse s'est dirigée ?»« On m'a parlé de Francfort sur l'Oder, de Magdebourg, de Königsberg même. D'ailleurs, je m'en informerai. Ce sera dans votre voyage un petit retard dont je profiterai. » Madame Digomère embrassa de nouveau Diane et Adrienne et appela. L'écuyer qu'elle avait dépêché sur la route à la rencontre de Mademoiselle de Pardaillan souleva une portière. « Vous veillerez à ce que rien ne manque aux gens de Mademoiselle de Pardaillan et de Mademoiselle de Souvigny, » dit-elle. « Peut-être aurai-je le regret de les perdre à la fin de la semaine. Que leur bagage soit prêt à partir au premier signal. » Puis, au moment où l'écuyer sortirait, et d'une voix indifférente, l'interrogeant à nouveau, « Savez-vous quelle route la princesse Éléonore a suivie en quittant Berlin ?»« La reine de Suède s'est d'abord arrêtée quelques jours à Potsdam. » Et de cette résidence, elle a dû gagner Stralsund. Mais rien n'est moins sûr. Elle a pu, chemin faisant, changer de direction. « Mais c'est un pèlerinage !» s'écria Diane. « J'essaierai d'en adoucir les ennuis, » reprit Thécla. Et se tournant vers l'écuyer qui s'éloignait, « Prenez des renseignements exacts, » poursuivit-elle. « Au besoin, expédiez quelqu'un jusqu'à la ville voisine. Vous nous communiquerez demain ce que vous aurez appris. » La baronne conduisit elle-même Adrienne et Diane à leur appartement et ne les quitta qu'après les avoir comblés de caresses. La porte refermée, elle sourit. « À présent, je les tiens, » murmura-t-elle. Peu de temps après, Renaud recevait une lettre dont la suscription, d'une écriture fine et serrée, fit passer, sans qu'il sût bien pourquoi, un léger frisson entre ses épaules. Un messager inconnu l'avait apporté. Cette lettre contenait ces quelques mots. Mademoiselle de Pardaillan, que vous aimez, et Mademoiselle de Souvigny, que votre ami Monsieur de la Guerche adore, sont chez moi. Au revoir, Monsieur le Marquis de Chauxfontaine. » La baronne Digomère. Scélérate ! S'écria Renaud. Quand il releva la tête, le messager avait disparu.